بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، après l'introduction qui a précédé au sujet du livre de Cheikh l'Islam, l'imam réificateur de la religion de l'Islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, le livre qui s'intitule Al-Qawa'id al-Arba', les quatre règles fondamentales. Après cette introduction concernant le livre et la petite biographie du commentateur de ce livre, l'Allama Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, aujourd'hui nous allons entamer, bi'idhnillahi ta'ala, la lecture de ce charh. Et je demande à Allah Azzajal qu'il nous soit bénéfique et profitable à tous, et qu'il nous aide dans la compréhension, et qu'il nous facilite la mise en application. قال الشيخ الشارح محمد أمان رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح مختصر لرسالة عظيمة في محتواها ومضمونها وفحواها. هذه الرسالة التي تناولت أهم الأمور التي يجب على المسلم معرفة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها والعمل بها، وهي إخلاص التوحيد لله عز وجل، ومعرفة الشرك وطرقه وسبله، وسد تلك الطرق والسبل، ودحض الشبه والفتن. يلدي رحمه الله. Après les louanges à Allah Azzawajal et la prière sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ça, c'est un sharh, une explication concise de cette risala immense dans son contenu. Cette risala qui contient les choses les plus importantes que chaque muslim et muslima se doivent de connaître et de mettre en application, à savoir la sincérité dans l'unicité d'Allah et la connaissance du shirk, shirk, l'associationnisme, et la connaissance du shirk et de ses voies, et fermer toutes les voies du shirk, et de fermer toutes ces voies du shirk, et de dissiper toutes les ambiguïtés وقد سماها مؤلفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القواعد الأربع وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. Et c'est une risala que son auteur, Mohamed ibn Abdel Wahhab, a nommé Al-Qawa'id Al-Arba', les quatre règles. Donc c'est une risala indépendante, mais elle est éditée et souvent publiée avec l'autre risala des trois fondements. Pour le grand besoin de l'étudier, et également pour que ce soit accessible aux demandeurs de science, et que ce soit à la portée des demandeurs de science. وَالْقَوَاعِدُ جَمْعُ قَاعِدَةً. Ensuite, il dit, rahimallah, que les règles, c'est le pluriel d'une règle, qa'ida. Au fil istilah, al-qa'ida, hiya qadiyatun kulliya, muntabiqatun ala jami'i juz'iyyatiha, ay bima'na, al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu kathira, aw furu'un kathira. Ensuite, la définition de l'qa'ida. L'qa'ida, c'est une loi globale qui s'applique à toutes ses particularités. Donc, l'qa'ida, la règle, c'est une loi générale qui s'applique à tous les points qui rentrent dans cette qa'ida. Ou une autre définition qu'il donne, rahimahullah, il dit, c'est la base, al-qa'ida, c'est la base ou le fondement duquel dérivent plusieurs points ou des branches, duquel dérivent des branches nombreuses. Donc c'est ça le qa'ida. Le qa'ida, c'est une base de laquelle dérivent plusieurs branches. Donc ça, c'est la définition de le qa'ida. Ensuite, il dit ومضمونها كما سبق ذكره معرفة التوحيد ومعرفة الشرك وما يتفرع عنهما لأن كثيرا من الناس لا يميزون بين التوحيد الخالص وبعض أنواع الشرك أو وسائله. Et le contenu de cette risala, il dit, رحمه الله, comme il a précédé et comme ça a été cité précédemment, c'est la connaissance du tawhid et la connaissance de shirk et de ce qui dérive de ces deux points, à savoir le tawhid et le shirk. Car beaucoup de gens ne distinguent pas le tawhid pur et sincère de certaines catégories de shirk ou de certains moyens qui mènent vers le shirk. كما أن كثيرا منهم ينفي وجود الشرك في هذا الزمان وهناك من يهتم بالعبادات العملية من الصلاة والزكاة وفضائل الأعمال ويقع في الشرك ولا يعلم ولا يعلم أنه أعظم الموبقات وهو المعصية التي لا يغفر لمن مات عليها. Également, car beaucoup de gens à notre époque nient l'existence du shirk il nie l'existence du shirk. Ils disent qu'il n'y a plus de shirk. Et d'autres accordent de l'importance aux adorations pratiques, telles que salat et zakat, et les autres actes méritoires. Cependant, ils tombent dans shirk, sans savoir que ça fait partie des plus graves péchés, les péchés qui font périr dans le feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Et que le shirk, c'est le péché qu'Allah ne pardonne jamais à celui qui meurt avec. Celui qui meurt sans se repentir de shirk, Allah ne lui pardonne jamais. جمع هذه القواعد جمع هذه القواعد مصنفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نصوص كتاب الله والسنة النبوية. L'auteur, شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, a regroupé et a tiré ses règles des textes du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam. فإذا عرف المرء التوحيد الصحيح والعقيدة السليمة من الشرك وشوائبه صح ما تبع ذلك من العبادات, أما إذا فسدت العقيدة فما يتبعها من العبادات يفسد. Si l'homme connaît le tawhid authentique et le dogme authentique, et il le distingue clairement du shirk, ces adorations seront également bonnes et valides. Par contre, si le dogme, si l'aqida est corrompu, les adorations également suivent et elles deviennent invalides. Entre parenthèses, une parole que les savants disent, ils disent, le tawhid, c'est le hasana, sans laquelle Allah n'accepte aucune hasana. Et le shirk, c'est le péché, c'est seyya, qui corrompt tous les actes de la personne. Ensuite, il a dit, رحمه الله, كما أن الشرك باق لا يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل. Il dit également, shirk continue dans cette communauté, continue à exister. Et il n'est sauvé du shirk que celui qu'Allah عز وجل a sauvé et a préservé. فهذه رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة سهلة العرض بسيطة العبارة لا بد لكل مسلم من تعلمها وتعليمها للصغار والكبار ليعرف الجميع التوحيد الصحيح وأهميته ويطبقه في واقع حياته. Donc il dit, cette risale petite dans son volume, immense dans son profit, facile dans la manière dans laquelle elle est exposée, et également simple dans les termes, dans ses termes et dans ses expressions. Tout musulman se doit de l'apprendre et de l'enseigner aux petits comme aux grands, afin que tous sachent le tawhid authentique et son importance, et le mettre en pratique dans leur vie de tous les jours. وقد قدم لها مصنفها رحمه الله بمقدمة عظيمة فيها ترغيب لطالب العلم بالدعاء له بما يؤلف قلبه وبما فيه صلاح دنياه وأخراه فقال رحمه الله. Donc il dit également que cette risala, son auteur l'a entamée avec une introduction immense dans laquelle il y a une grande incitation pour le demandeur de science en lui faisant dua, de quoi préparer son cœur à cette science qu'il va prendre et avec quoi, bi'idnillah, un dua, ce dua que nous allons voir, avec quoi sa réforme, bi'idnillah, dans le bas monde et dans l'au-delà. Il a dit, rahimahullah, as'alullah al-karim, رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Je demande à Allah, le généreux par excellence, Seigneur de l'immense trône, qui soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te bénisse où que tu sois, et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, patient lorsqu'il est éprouvé, et repentant lorsqu'il est pécheur. Car ces trois qualités sont les signes du bonheur. Al-Sharh, le commentaire. قدم المصنف رحمه الله رحمة واسعة لهذه الرسالة المباركة بهذا الدعاء لطالب العلم والحق والعقيدة الصحيحة. L'auteur a commencé cette risala bénie avec ce dua pour le demandeur de science et de vérité et du dogme authentique. Celui qui apprend, il bénéficie de ces dua. الذي يريد سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب سبل الضلال والشرك. Celui qui veut emprunter la voie de son prophète, alayhi salatu wassalam, et s'écarter du voie de l'égarement et de l'associationnisme. بِأَيَّ تَوَلَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ تَوَلَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَازَ وَأَفْلَحَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُصِيبَهُ الشَّرُّ فِي الدَّارَيْنِ فهو السعيد حقيقة. Il dit, rahimahullah, lui a fait dua qu'Allah Azza wa Jal soit son allié dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui dont l'allié est Allah Azza wa Jal dans le bas monde et dans l'au-delà, alors il aura réussi et il aura le succès. Il sera préservé d'être touché par le mal dans les deux mondes, dans les deux demeures. C'est celui-là le bienheureux en toute vérité. C'est celui-là le bienheureux en toute vérité. قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Donc dans le sens rapproché de ce verset, Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ سعيدة في الدنيا والآخرة ونال الخير العظيم et celui dont l'allié est Allah Azza wa Jal, il sera heureux dans le bas monde et dans l'au-delà. Et il obtiendra le bien immense. قال الله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. Dans le sens rapproché de ce verset, et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. فقال رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Donc il cite la parole de l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab, dans laquelle il a dit: je demande à Allah, le généreux Seigneur, le généreux par excellence, Seigneur du trône immense, d'être ton allié dans le bas monde et dans l'au-delà. وهو حين يقدم بهذه المقدمة بين يدي القواعد الأربع فهو من باب ترغيب طالب العلم في التعلم. Donc quand il entame cette risala des quatre règles avec cette dua, c'est pour inciter le demandeur de science à apprendre. Également de sortir de l'ignorance qui risque de faire tomber la personne dans l'associationnisme, dans le shirk. لأن من تولاه الله عز وجل أنقذه في الدنيا من الشرك وبراثنه فإذا مات على التوحيد كان التوحيد سببا في إنقاذه من النار. Il dit ensuite, car celui dont l'allié est Allah Azza wa Jal, il le sauvera dans le bas monde de tomber dans shirk et dans les filets du shirk. Et celui qui meurt dans le tawhid, qui meurt sur le tawhid, التوحيد sera une cause de sa sauver du feu de l'enfer. فحاز السعادة في الدارين في الدنيا بتوفيقه ورعايته وهدايته وفي الآخرة بدخول الجنة ويحل عليه رضوان الله. Et donc il aura le bonheur dans les deux demeures, dans le bas monde, car Allah l'a assisté et l'a guidé et a veillé sur lui, et dans l'au-delà avec l'entrée au paradis, et en gagnant l'agrément d'Allah Azza wa Jal. وقال المصنف رحمه الله ويجعلك مباركا أينما كنت. إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطلوب. Et qu'Allah fasse que tu sois béni partout où que tu sois. Si Allah a fait de toi quelqu'un de béni partout où qu'il soit, entre parenthèses, je rappelle une faïda qu'on a peut-être déjà vue dans Kitab Tawhid par rapport à Al-Baraka. Al-Baraka, les hommes de science, ils disent, al-baraka est de deux catégories. Barakatu a'yan wa barakatu a'mal. Il y a une baraka qui est dans les actes. et une baraka qui est dans des choses. Le baraka dans les choses et le baraka dans les actes. Le baraka dans les choses, c'est comme c'est le baraka dans les corps des prophètes. Tous, leurs corps sont bénis. Il y a une baraka dans leur corps. C'est-à-dire, tu le touches, tu prends ses cheveux, tu prends sa salive, tu prends sa sueur, tu prends le vêtement qui a touché son corps. Tout ça, c'est une source de baraka. Tu peux chercher le baraka, qui signifie l'augmentation du bien. Et sa constance, l'augmentation du bien et sa constance, tu peux la chercher dans ces choses-là. Mais bien évidemment, comme les hommes de science disent également, il n'y a pas quelque chose qu'on connaît de nos jours qui appartient à notre prophète Aïssa au Salam ou à notre prophète d'une manière sûre. Tout ce qui est exposé dans les musées à Istanbul ou en Turquie ou ailleurs, rien n'appartient à notre prophète Aïssa au Salam parmi les objets, que ce soit la canne ou tout ce qu'ils exposent là-bas comme vêtements, rien n'est connu d'appartenir à notre prophète Aïssa au Salam. Mais s'il y avait quelque chose qui appartenait au messager Aïssa au Salam d'une manière sûre, il est légiféré de chercher le baraka dans cet objet. Également, parmi les choses dans lesquelles il y a le baraka, des choses telles que l'eau de Zamzam, telle que l'asal, telle que yani, la parole d'Allah, Al-Qur'an, Mubarak, et ainsi de suite. Donc, sur tout ça, il y a des dalils. Et Allah Azzawajal dans le Qur'an, il va décrire cette chose comme étant Mubarak, ou le prophète Aïssa Salam dans sa sunnah authentique. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie rentre dans cette première catégorie également, l'Hajar al-Aswad, la pierre noire. La deuxième catégorie, et c'est celle qui est voulue ici, c'est le baraka dans les actes, tels que la prière en groupe. Elle est récompensée 27 fois plus que la prière de la personne seule. Le baraka, elle est dans les actes, pour la résumer, pour ne pas faire long dans les exemples. Le baraka dans les actes, c'est dans toutes les adorations qui te rapprochent d'Allah Azza wa Jalla, il y a une baraka. C'est-à-dire, le baraka, ça signifie quoi? C'est une cause d'obtenir le bien de la part d'Allah en faisant cet acte. Et c'est une cause qu'Allah fasse perdurer ses bienfaits sur toi. Donc c'est ça le baraka. Et comme il a été expliqué, rapporté par rapport à l'explication de la parole de Isa alayhi salam dans le Coran, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, quand il a dit qu'Allah Azza wa Jalla a fait de lui quelqu'un de Mubarak partout qu'il soit, il a été rapporté dans le tafsir, selon Abdullah ibn Abbas et autres, enseignant du bien. Al-Mubarak, c'est celui qui enseigne le bien. Et celui qui apprend le bien également, il est Mubarak. Celui qui apprend la science, il est Mubarak. Ainsi que celui qui la propage et qui l'enseigne à autrui. Je ferme la parenthèse, ensuite il a dit, Rahimahullah, إِذَا جَعَلَكَ اللَّهُ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ, si Allah fait que tu sois béni partout où que tu sois, alors ça, c'est l'objectif et la fin la plus importante et l'objectif le plus important. Qu'Allah fasse أن يجعل الله البركة في علم المرء ووقته وعمره ورزقه وعمله، ويجعل البركة في ذريته، فهذا فضل من الله عز وجل. كالله عز وجل فاس كلام سوى بني dans son, qu'il bénisse 100 ans, qu'il bénisse sa vie, qu'il bénisse son rizq, la subsistance qu'il lui octroie, qu'il bénisse ses actes, qu'il bénisse sa descendance. Ça, c'est un bienfait de la part d'Allah Azzawajal. Ça, c'est un bienfait. Si Allah bénit ton temps, tu vas faire beaucoup plus de choses que les autres dans le même, yani, dans le même lapsus de temps. Toi, tu arrives à faire plus que les autres, car Allah t'a mis du baraka. Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre que Uthman radiallahu anhu, duquel il a été rapporté d'une manière authentique, qu'il a récité le Coran en entier dans Qiyam al-Layl, dans une seule raka'a. En une seule raka'a, il a récité le Coran en entier, de l'Fatiha jusqu'à Nas. Donc si nous on réfléchit avec notre logique, on va dire c'est pas possible. Car pour lire autant de hizb, 60 hizb, 30 juz, chaque juz il faut un certain temps. Et yani, dans une nuit, il n'y a pas assez d'heures pour lire le Coran en entier. Mais ça, c'est une question de baraka. Si Allah te met le baraka, tu arrives à faire des choses que les autres n'arrivent pas. Et que les autres n'arrivent pas en temps normal. Et vous savez que beaucoup de salaf lisaient le Coran. Yani, un exemple. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui était très très occupé par la demande de science et la science du hadith, au point il se réveillait dans la nuit, en pleine nuit, il se réveille et il se rappelle des hadiths, ou là il fait l'istikhara sur des hadiths, il y en a chaque hadith qu'il a mis dans son authentique, il a fait l'istikhara, pour le mettre ou pas, il a fait salat l'istikhara. Et réveiller son écrivain afin, celui qui écrivait pour lui, il le réveillait pour écrire ce hadith et le rajouter dans l'authentique. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il lisait le Coran en deux jours, en entier. Ça, c'est dans la lecture, sans parler de ce qu'il lisait dans Qiyam al-Layl. Il s'asseyait une fois par jour pour la lecture du Coran. Et dans chaque fois qu'il s'asseyait, il lisait la moitié du Coran. Et le lendemain, il lisait l'autre moitié. Ça, c'est dans la lecture du jour. Et Allahu a'lam ce qu'il devait lire dans son Qiyam Layl. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide. Et quand on sait que on ne peut obtenir aucun bien ni repousser aucun mal de nous que par la grâce d'Allah Azzawajal, ça c'est parmi les causes qu'Allah nous facilite et nous aide. Et vous le constatez, et vous avez dû certainement le constater par vous-même, que plus tu lis de Coran dans une journée, plus tu arrives à faire de choses. C'est pour ça que la question ne doit même pas se poser. Comme on dit certains de nos shuyukh, la question que se posent certains tullab ilm, ils disent, la lecture du Coran m'empêche de faire talab ilm, ça me prend du temps. Ça c'est une question qui ne doit même pas se poser. La lecture du Coran quotidienne, c'est parmi les choses qui t'aident dans talab al-ilm. Et il y a beaucoup de paroles de salaf à ce sujet-là. Et je ferme cette parenthèse. Il a dit, rahimahullah, « Qal, وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. Avant, il a dit qu'il mette le baraka dans ton rizq. Et le baraka, quand Allah il met le baraka dans le rizq, c'est pas forcément qu'il va te donner plus. Mais ce qu'il te donne, t'en profite totalement. Il t'est bénéfique et profitable, et ça sera une aide pour toi. Car il y a des gens à qui Allah a donné un rizq, mais ils ne profitent pas de ce rizq. Il est stocké dans les banques ou autres. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. Et qu'Allah fasse que tu sois parmi ceux quand Allah il leur donne, ils sont reconnaissants. أي شكر شكر الله عز وجل على نعمة الطاعة لله كما في قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Qu'il soit reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal sur ses bienfaits, sur le bienfait de l'obéissance à Allah. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens rapproché du verset, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. وشكر الله على نعمه خلاف كفران النعم وبطرها واستعمالها في غير مصارفها التي شرعها الله حتى كانت سببا لشقاوته وعذابه يوم القيامة. Et l'usage des bienfaits d'Allah il a dit, et la reconnaissance et le remerciement d'Allah Azza wa Jalla sur ses bienfaits, c'est l'inverse et c'est l'opposé de l'ingratitude vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et l'usage de ces bienfaits dans autre que ce que Allah Azza wa Jal a légiféré. Et ça sera pour lui une cause de son malheur et de son châtiment le jour du jugement dernier. فالله عز وجل يزيد الشاكرين من فضله وكرمه فمن رام المزيد سلك سبيل الشاكرين على نعمه. Allah عز وجل il augmente ses bienfaits sur ceux qui sont reconnaissants. Et ça, c'est une pure générosité et un pur bienfait de la part d'Allah عز وجل. Celui qui souhaite l'augmentation des bienfaits d'Allah عز وجل sur lui, qu'il emprunte la voie des reconnaissants des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال المصنف وإذا ابتلي صبر. Et qu'Allah fasse que tu sois patient quand tu es éprouvé. المسلم قد يبتلى بمصائب. المسلم قد يبتلى بمصائب كثيرة ويحتاج إلى الصبر عليها. وهنا يدعو هذا الإمام المعلم لمن قرأ هذه الرسالة وتعلمها وعلمها بما فيها من الفوائد العظيمة بأن يوفقه الله تعالى إلى الصبر وأن لا يجزع عند نزول المصائب وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. المسلم يدي رحمه الله il peut être éprouvé avec des catastrophes et des épreuves nombreuses. Il a besoin d'endurance et de patience. Il a besoin de patience et d'endurance face à ces épreuves et ces catastrophes par lesquelles il peut être touché. Et ici, ce grand imam, enseignant, l'imam Mohammed bin Abdelwahab, il dit, il fait cette dua pour celui qui lit cette risala et qui l'apprend et qui met en pratique ce qu'elle contient parmi les grands fawa'id, des fawa'id immenses, qu'Allah Azza wa Jal lui facilite la patience et l'endurance. Et qu'il ne soit pas touché par la frayeur quand il est touché par les épreuves et les catastrophes. Et au contraire, qu'il attende la récompense de la part d'Allah face à sa patience et son endurance par rapport à ses épreuves. قال المصنف وإذا أذنب استغفر. Et que tu sois repentant lorsque tu commets un péché. وَالذُّنُوبُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الْمُوبِقَاتُ وَمِنْهَا الْكَبَائِرُ وَمِنْهَا الصَّغَائِرُ. Il dit les péchés sont nombreux. Parmi les péchés, il y a le mubiqat. Il y a les grands péchés, les graves. Les péchés, les grands péchés, les plus graves. Et il y a aussi le kabair, les grands péchés. Qui sont des grands péchés, mais qui n'atteignent pas le degré de l'mubiqa. L'mubiqat, c'est les péchés les pires parmi les grands péchés. Comme dans le hadith, sont au nombre de 7, l'mubiqat. Et parmi les péchés également, il y a les petits péchés. فَإِذَا رَأَ الْإِنسَانُ أَنَّهُ اقْتَرَفَ ذَنْبًا بَادَرَ بِالْإِسْتِغْفَارِ. Donc notre devoir quand on commet un péché, c'est de se hâter et de se précipiter à demander le pardon d'Allah. Et entre parenthèses, plus notre foi est grande, plus rapidement on fera la demande de l'istighfar. Plus la foi augmente, plus le repentir et la demande du pardon est faite rapidement. Et plus on tarde, plus c'est un signe que de la faiblesse de foi. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, il dit, Cheikh, il a dit, il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon. Et il n'y a pas de petit péché avec l'insistance dans le péché. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a pas de grand péché avec l'istighfar. Ça veut dire quand tu fais l'istighfar, ça efface tout. Les grands péchés, les petits péchés, ça efface même shirk. Qu'Allah nous en préserve. Et quand tu commets des petits péchés, et t'insistes, et tu continues à les faire, ça devient des grands péchés. C'est ça la signification de la parole de Abdullah ibn Abbas. Il n'y a pas de petit péché avec l'insistance. Et dans une autre parole de Abdullah ibn Abbas, il dit, ou d'un autre salaf, il dit, minimiser le péché est plus grave que le péché lui-même. Quand tu fais un péché et tu le minimises et tu vois comme si tu n'as rien fait, ça, sache que c'est beaucoup plus grave que le péché que tu as commis lui-même. Car commettre un péché, c'est une faiblesse. Et Allah nous pardonne nos faiblesses. Et Allah sait qu'il nous a créé de faiblesses. Mais par contre, minimiser le péché, c'est minimiser la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a interdit. C'est que tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de là d'où vient yani, le fait de minimiser le péché. Et plus tu connais Allah, moins tu minimiseras ses péchés. C'est pour ça qu'ils ont dit également parmi les paroles de Salaf, ils ont dit les bonnes actions des pieux, ce sont des péchés de ceux qui sont très proches d'Allah, al-muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Yani ceux, yani al-mu'minin, les croyants, qui n'ont pas atteint un degré de ceux qui sont al-muqarrabin, très très très proches d'Allah Azza wa Jal, parmi les hommes de science, qui ont la science bénéfique et qui mettent en pratique. Il y a des choses que les premiers font et qu'ils considèrent comme des bonnes actions. Pour les autres, ce sont des péchés. Et ça, c'est un niveau dans la foi. Ensuite, il a dit, من ارتكب صغيرة ولم يستغفر ولم يتوب وأصر عليها تنقلب الصغيرة إلى كبيرة. Celui qui commet un petit péché, il ne demande pas le pardon, il ne se repent pas, il insiste, il persiste sur ce péché, ce petit péché devient un grand péché. Et celui qui fait un grand péché, en demandant le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui est voulu par l'istighfar dans ce affaire, c'est le repentir. C'est-à-dire, il n'y a pas de grand péché avec le repentir. Celui qui commet un grand péché, il se repent. Et il est véridique dans ce repentir. Il est sincère dans son repentir. Il délaisse le péché. Il le regrette. Il a la ferme intention de ne plus jamais retomber dans ce péché. Entre lui et Allah Azza wa Jal, quand c'est le péché, est entre lui et Allah Azza wa Jal. Ou, en rendant les droits aux ayants droit, quand c'est un péché vis-à-vis des gens, et il est sincère et véridique dans cela, Allah lui efface ce péché avec le repentir. لذلك يقول الشيخ فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. C'est pour ça que Cheikh il dit que ces trois points, yani à savoir le fait d'être reconnaissant quand on reçoit un bienfait, et patient quand on est touché par une épreuve, et repentant quand on tombe dans un péché, ces trois, ce sont les signes du bonheur. Ce sont les signes du bonheur. C'est-à-dire celui qui est facilité pour ces trois, alors Allah l'a assisté dans toutes ses affaires et il obtient le bonheur éternel dans l'au-delà. Il obtient le bonheur éternel dans l'au-delà. D'autres savants, fin de la parole de l'imam Muhammad, le Cheikh Muhammad Amal Jami Rahimullah. D'autres savants disent par rapport à ces trois points, ils disent, car le serviteur dans toute sa vie, il ne sort pas de une de ces trois situations. Dans toute ta vie, ou bien tu reçois une ni'ma d'Allah Azza wa Jal, sinon tu es touché par une épreuve, sinon tu commets un péché. Une ni'ma, c'est une obéissance aussi. Ni'ma, c'est pas uniquement avoir des euros. Ou là, ni Allah il te donne une voiture. Ou là, Allah Azza wa Jal il te donne une maison. Plus grande que ces ni'am, Allah il t'a permis de prier le fajr. En groupe, avec les musulmans. Quelle immense ni'ma celle-là. Rien ne l'égale parmi les ni'am de dunya. Si al-ratiba de le fajr, qui est une sunnah, est meilleure que Dunya, ainsi que tout ce qu'elle contient, depuis son début jusqu'à sa fin. Comme il a dit le Nabi alayhi sallam, il a dit, Salatul Fajri, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Alors que dire que de la prière obligatoire? Donc, dans toute ta vie, tu ne sors pas de ces trois situations. Tu es forcément dans une de ces situations à chaque instant. Au moment où nous parlons, tu es dans un bienfait d'Allah Azzawajal qui t'a permis et qui n'a pas permis à bien d'autres de profiter et d'apprendre. C'est une immense ni'ma que tu dois remercier à Allah Azzawajal. Car tu ne l'as pas obtenu par ton attachement à la science et par ton amour à la science. Tu ne l'as pas obtenu par ton intelligence. Non, tu l'as obtenu parce que Allah te l'a accordé. Parce que Allah Azza wa Jal te l'a accordé. Et bien évidemment, de ton côté, tu as fait les causes. Et tu es loué pour avoir fait les causes. Mais toute ni'ma, en réalité, elle provient d'Allah. Et c'est Allah qui l'a donné. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme ni'ma, ça provient d'Allah. Ça provient d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, si nous, dans toute notre vie, on est forcément dans une de ces trois situations, et que dans chaque situation, on est comme Allah aime et agrée, face à l'ni'ma, t'es reconnaissant. Face à l'épreuve, t'es patient et endurant. Face au péché, t'es repentant. Ça veut dire, dans chaque situation, t'es comme Allah il veut que tu sois. Est-ce qu'il y a un bonheur plus grand que celui-là? Est-ce qu'il y a une réussite plus grande que celle-là? Bien évidemment que non. Donc voilà mes frères, ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis de lire pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur ça, et en espérant nous retrouver la semaine prochaine, bi'idhnillah, au même créneau, je demande à Allah que vous soyez bénis partout où que vous soyez, et que vous soyez reconnaissant face aux bienfaits d'Allah, endurant face à ses épreuves et repentant quand on faiblit et on tombe dans le péché. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته